Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Jean-Louis Millette, racontée par André Robitaille. Au théâtre, il faut élargir jusqu'à un certain point. Toujours le corps, la gestuelle, la voix, bon, etc. Mais alors là, au contraire, à l'écran, il faut rétrécir. Enlever. Il ne faut rien faire. Et puis on sait qu'on peut parler sur le souffle. On peut chuchoter. Et c'est formidable, enfin, c'est formidable. Bon, je suis à côté d'un micro là maintenant. Je peux aller jusqu'au chuchotement. Jean-Louis Millette, dans le documentaire de Jean-Claude Coulbois, Le territoire du comédien, assurément l'un des grands comédiens de sa génération. Jean-Louis Millette a exploré le jeu sous toutes ses formes, au théâtre, à la télévision, au cinéma. Le comédien animateur André Robitaille, qu'on entendra cet été à l'animation de l'émission Pétillant et corsé à Ici Première, a bien connu Jean-Louis Millette. Il a accepté de venir nous parler de son ami, de son mentor aussi, dans le cadre de cette série d'émissions spéciales où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qui leur tiennent à cœur. André Robitaille, bonjour. Merci de l'invitation. Merci d'être là, André. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir doublement grand que je sais que vous allez nous parler de quelqu'un que vous avez beaucoup et que vous aimez toujours encore. J'ai aimé beaucoup. Le mot mentor qu'on vient d'entendre. Ouais. J'oserais même dire plus qu'ami, parce qu'ami, je trouve ça serait peut-être présomptueux. On s'est côtoyé beaucoup, il m'a enseigné et tout, mais mentor parce que inspiration, parce que encore aujourd'hui, j'y pense fréquemment. Effectivement. Puis j'en ai pas beaucoup. Ma liste est très courte. Et d'avoir Jean-Louis dans mon parcours, j'en suis assez fier. Et pourquoi il a été si important pour vous? Pour le prof qu'il a été, ça, il m'a enseigné, j'ai appris beaucoup. Pour l'homme qu'il est, ce qu'on vient d'entendre aussi, l'extrait qu'on vient d'entendre, pour moi, ça touche exactement à ce que j'ai comme souvenir de lui, c'est-à-dire un homme, un acteur, un artiste qui pouvait être très technique tout en étant très sensible. Et c'est ce que j'entends là dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Ce documentaire-là est excellent. Ouais. Et donc, Jean-Louis, pour moi, ça a été ça, la rencontre d'un homme, la rencontre d'un enseignant et d'un artiste exceptionnel. Ouais. Pour nous tous qui ne l'avons pas connu, mais qui l'avons aimé comme spectateur, comme au théâtre ou ailleurs, qu'est-ce qu'il représente dans cette grande famille du théâtre, de la télévision, du cinéma québécois? L'incarnation. Le but, quand on joue au théâtre, quand on joue à la télé, c'est d'incarner. Il incarnait. J'aime ce verbe. Il était. Ses os, ses muscles, son sang était le personnage, son âme. C'est ce qu'il travaillait en profondeur. Et il réussissait à y toucher, il m'expliquait, parce qu'il travaillait. Il dit, il faut travailler. Alors, ses textes étaient annotés, il travaillait tout le temps chez lui, il travaillait en salle de répète. Bref, l'incarnation, pour moi, il y a des acteurs qui ont une signature et des actrices qui ont une signature. Il y a des actrices qui jouent et tu dis, il n'y a qu'elle qui peut le jouer comme ça. Ouais. Jean-Louis est dans cette liste-là. La liste est courte. Absolument. Dans le monde et au Québec, au Canada. Et Jean-Louis fait partie de cette liste-là et il est dans le haut de la liste pour moi. Ouais. Il n'y avait que lui pour signer comme ça son jeu. Ce qui fait que, parce que évidemment dans cette émission, on va à la fois présenter ce grand acteur, cet homme qui était Jean-Louis Millette, puis on va aussi en même temps explorer un peu le lien qui vous a lié et uni à lui. Puis une des choses probablement qui fait que ça a cliqué très vite entre vous deux, c'est que puis on va le voir tout au cours de l'émission, il y a des similitudes dans vos parcours. Puis la première grande évidence, évidemment, c'est le public jeunesse. C'est au Théâtre Jeunesse. Vous êtes passé par là aussi. C'est au Théâtre Jeunesse que Jean-Louis Millette fait ses débuts, à La Roulotte de Paul Bussonneau d'abord, puis ensuite à la télé dans La Boîte à surprises où il incarne ce fameux personnage de paillasson dans La Ribouledingue. La récréation est terminée! Je vais me dépêcher d'entrer à l'école. J'aime tellement ça aller à l'école! Mais tais-toi, mon petit garçon, un peu de discipline! Paillasson a deux vies. Alors, ça a commencé avec une émission qui s'appelait Les Croquignoles. Les Croquignoles, ça, oui. Non, je suivais Les Croquignoles. Moi, j'ai grandi un petit peu, puis là, c'était La Ribouledingue que j'ai peut-être un petit peu moins suivi. Alors, c'est une époque où le patron des émissions jeunesse disons qu'il était audacieux et même effronté. D'abord, il avait été chercher un budget énorme à Ottawa ou ailleurs, mais enfin, il y avait un budget plus important que les dramatiques, que le sport. Alors, il prenait des chances. Alors, c'est lui qui a dit à Luc Durand ou à Favreau ou à Marcel Sabourin à l'époque ou à moi, t'as jamais écrit. Mais tu vas écrire. Silence et commence à chanter l'hymne de l'école. Allons-y, 1, 2, 3. Il faut bien aimer l'école, car c'est là le paradis. Suivons-en le protocole. On me dit souvent pourquoi vous n'avez pas fait comme ça de passer chez les adultes. Mais Paillasson avait un âge mental de 4 ans. ou peut-être même moins, alors que seuls des gens s'occupaient d'écologie, de philosophie, des femmes, de l'argent, de la vie courante. Paillasson ne s'intéressait qu'au chocolat, puis qu'à jouer. Car c'est là le paradis. Merci. Jean-Louis Millette à l'émission Entrée des artistes en juillet 1999, une émission animée par Marie-Claude Lavallée. Ce personnage-là, de Paillasson, il a marqué au moins une génération, probablement quelques générations, la nôtre, en tout cas André Robitaille. Ouais, par là que vous l'avez connu, vous d'abord, Jean-Louis Millette. Oui, chez moi, regarder la télé, puis il y a un personnage qui m'attire, Larry Bouledingue, ce personnage-là de Paillasson, la comédia dell'arte qu'ils ont écrit à leur façon. Le jeu qu'ils avaient, les actrices-acteurs qu'il y avait là-dedans, c'était juste attirant. J'avais le goût de faire ça. Ouais. Je voulais faire ça. Et Jean-Louis me parlait souvent de ce personnage-là. Quand tu arrivais chez Jean-Louis, chez lui, il y avait une grande, grande photo de Paillasson à l'entrée. C'était vraiment remarquable. Il y avait ça. J'ai déjà mis le costume de Paillasson une fois. ici, dans le costumier, dans le temps qu'on avait ça à Radio-Canada et que je faisais Vosimolo, j'avais enfilé tous les costumes des émissions. Je voulais montrer aux enfants qui écoutaient Vosimolo les émissions que moi, j'écoutais. Ouais. Alors bref, j'avais enfilé... c'était un petit truc pour aller au bout de mon égoïsme et mon trip de mettre ces costumes-là. Mais l'affiliation, on la voit bien, là. Puis, vous avez dû en parler de ça. Quand vous faites Vosimolo, on vous offre ça, vous êtes jeune comédien, j'imagine un peu idéaliste, vous rêvez de jouer... J'étais à Sans Limite à l'époque. Je venais de sortir Sans Limite avec les Bleus Poudres, on venait de terminer ça, c'est une autre ambiance. Et là, on m'offre de faire une animation d'une émission jeunesse à Radio-Canada. Je connaissais rien de tout ça, il n'y avait rien d'écrit. J'avais peur que ce soit un peu cucu, là, t'sais, allô les amis. J'avais peur de me tromper dans mon petit début de carrière, mais ça m'attirait. Alors Jean-Louis m'avait dit, j'avais posé la question, qu'est-ce que t'en penses? Il m'avait dit, vas-y, les jeunes qui vont t'aimer à ce moment-là auront un jour 30 ans et iront te voir au théâtre. Ouais. Et il a raison, parce que des fois, il y a des gens qui arrivent dans ma loge au théâtre puis ils me parlent de Vosimolo parce qu'ils ont 35 ans. Et Jean-Louis avait raison. Je suis allé, pas juste à cause de Jean-Louis, mais inspiré de ça. Et il est venu aussi à mon émission, j'y avais écrit un sketch, j'y avais écrit des trucs aussi. Il était toujours proche de mes projets, j'ai eu cette chance-là. Et je ne suis pas le seul, mais de l'avoir rencontré comme prof, ça a donné ce lien-là après. Ouais. Et Vosimolo, il aimait ça. Il me donnait des conseils, puis il commentait ce que je faisais. Cet univers, il disait, là, Paillasson a 4 ans d'âge mental, peut-être un peu moins, puis je vous voyais sourire, mais il y a quelque chose qui vous branchait et qui vous branche encore là-dedans. Je pense, jouer, patates au chocolat. Moi, quand j'ai fait Bouchon pendant 10 ans, puis y a un élan, il y a une énergie du genre. Mais moi, je voulais pas que Jean-Louis nous raconte trop les coulisses de Paillasson. Il me dit un jour que la patate en chocolat, c'était du styrofoam qui sentait la colle. Hey. Je veux pas entendre ça. Il m'avait même dit qu'il y avait une coquille pour se protéger le sexe parce qu'il avait déjà reçu un coup de pied au derrière de Fripono qui avait fait mal à ses bijoux de famille. J'ai dit non, je veux pas savoir que Paillasson porte ça sous son costume. Mais bref, il fallait garder le rêve, mais Jean-Louis était extraordinaire dans ce personnage. Et c'est un grand, grand rôle qui a marqué le Québec et qui a été important pour lui. C'est par là, donc, que beaucoup de gens l'ont découvert, puis ça va le mener à faire plein d'autres choses. Et dans votre cas, donc, cette première rencontre virtuelle, c'est quand vous regardez Paillasson, puis viendra la rencontre réelle, physique, à l'École nationale de théâtre. C'est-à-dire que tu as trois phrases dans trois parties. Resserre. Hein? Mérite de donner les citations immortelles, c'est très bon pour un gars. Moi, je me défends bien d'être un professeur. Je suis là pour les stimuler, pour les provoquer, pour animer, pour... je suis un fomentateur. Suzanne, c'est très bon, tu le sais. tu le proposes? Ça aussi, on pourra en parler avec tout le monde. Ça fait 3 ans qu'ils vivent ensemble et il y a un groupe qui s'est formé extrêmement solide. Ils sont bons, ils sont beaux, ils sont... bûcheurs, ils sont travailleurs et ils sont généreux. Mon défi, c'est peut-être de les pousser jusqu'au bout de leur générosité avec une pièce piégée comme celle-ci. C'est un Tennessee Williams, très compliqué, c'est le moins que je puisse dire. Ils auront affaire à des personnages qui sont âgés. Même pour les personnages jeunes, ce sont les personnages qui ont l'âme déjà très, très abîmée, très burinée. Et ils n'ont peut-être pas, à 20 ans ou 22 ans, le vécu suffisant pour supporter à 100% ce genre de personnage. Mais c'est mon problème, c'est mon travail, c'est mon défi de les pousser, de les nourrir, de les alimenter pour qu'on se rende le plus loin possible. Extrait de l'émission Les Beaux Dimanches du 21 septembre 1980. On y présente un reportage soulignant à ce moment-là le 20e anniversaire de l'École nationale de théâtre du Canada. C'est comme étudiant, donc, André Robitaille, à l'École nationale de théâtre, que vous allez rencontrer Jean-Louis Millette. Comment ça se passe, cette rencontre-là? Quels souvenirs vous en gardez? J'étais impressionné. L'École nationale, à ce moment-là, et je pense qu'il y a encore comme ça, la structure était, il y avait des professeurs permanents et il y avait de la visite. Ouais. Jean-Louis était une visite rare, était une visite fréquente, et nous, on a eu la chance de l'avoir sur notre parcours. J'ai eu un tête-à-tête avec lui par le choix de la scène. J'ai fait Scapin et on travaillait la scène du sac. Mmh. Alors, rapidement, il y a quelqu'un enfermé dans le sac et Scapin joue des tours et devient même violent avec le sac, en l'occurrence quelqu'un à l'intérieur. Donc, on peut répéter seul. On a un sac, pas besoin d'avoir un acteur qui est dans le sac tout le temps de la répète. Ce qui fait que un jeune étudiant que j'étais, face à Jean-Louis dans un local, a travaillé un rôle qu'il pouvait faire lui. C'est un beau défi aussi d'acteur. Et c'est beau parce que dans mon parcours, je l'ai joué il y a un an ou deux au TNM et j'ai beaucoup pensé à lui en jouant. Mais bref, ça a été cette rencontre-là. Une rencontre intime, une rencontre intense aussi. On vient de l'entendre, là, j'avais l'impression d'être dans sa classe encore. C'était ça l'ambiance que vous venez d'entendre. C'est un détail dans l'extrait qu'on vient d'entendre, mais il dit à Suzanne Champagne, tu es très bonne, puis elle fait un peu humble, puis il fait, ça aussi, on va en parler. Il était comme ça. Ouais. Et je suis certain, là, je prends un peu de... Mais je suis pas certain, en fait. Mais d'après moi, il allait dire, ça aussi, on va en parler, qu'il faut savoir prendre les compliments. Il faut savoir avancer. Donc, quand on se fait dire que t'es bon, ça veut dire que t'avances. C'est ça, son enseignement. Puis on entendait plein de bienveillance dans ce commentaire. Ben, voilà. Voilà. Prendre soin du jeune bouillant devant lui ou elle. Et puis, il poussait, comme il vient de dire. Moi, j'ai été chanceux, je le sais. Notre classe, on a été vraiment chanceux de l'avoir. Et après ça, j'ai gardé un lien tout le temps avec, après l'école. Il y a un moment donné, il est arrivé à l'école bouleversé, émotivement, vraiment chaviré. Il y avait un décès dans sa vie qu'il venait de vivre. Et j'étais tout seul avec lui. On a pleuré ensemble. Pleurer avec quelqu'un, ça rapproche. Rire avec quelqu'un, ça rapproche. Fait que j'ai eu cette chance-là. Donc, c'est un homme qui était entier et en tant qu'enseignant, puis en tant qu'humain que j'ai rencontré. Un passeur aussi, je pense, de différentes façons, des trucs, évidemment. La technique, c'est un métier. Ah, oui. Mais plus que ça, passeur de rêves, passeur de vie, passeur de culture... Oui, très cultivé. Et passeur de livres aussi. J'ai un livre chez lui. Et j'ai oublié de lui remettre. Et je suis content d'avoir fait cet oubli. Il prêtait des bouquins. J'en ai un chez moi. Et il appartient à Jean-Louis. Je suis content de l'avoir. Il donnait des objets. Il donnait des cadeaux. On faisait un souper. Il prenait la facture. C'était un généreux. Il vous faisait rêver aussi. En vous parlant de voyage, en vous parlant de... Son Italie. Moi, je voulais voyager, je savais écouter ses récits. Il allait fréquemment au même endroit. Il me faisait... Il rêvait. Puis il partageait tout ça en détail. Ouais. Voici ce que je voyais, les gens que je rencontrais. Voici ce qu'on y fait en Italie et tout. Bref, t'as 20 ans, t'es à l'école de théâtre, puis tu manges la luzerne, puis t'écoutes ça. C'est magnifique. L'éducation, mais au sens large, complet. Ouais, de la vie. Ouais. On parlait de votre filiation déjà sur le fait que tous les deux, assez vite dans vos carrières, vous allez travailler pour le public jeunesse. Je pense qu'il y a un autre... Je sais pas si c'est une filiation, un héritage ou un hasard, mais la polyvalence, qui est importante pour lui, qu'il a beaucoup pratiqué. C'est quelqu'un qui pouvait jouer au TNM, tenir un grand rôle dans une pièce de Shakespeare, comme il pouvait être à TVA à faire le personnage d'Oscar Bellemare dans cette comédie légère. Oui, le théâtre des variétés aussi, ouais. Avec M. Latulippe sur la rue Papineau à Montréal. Il y était fréquemment. Est-ce que j'en parlais de ça, l'important? Beaucoup, mais beaucoup. Et ça, il m'en parlait souvent. Il m'en a parlé beaucoup après l'école aussi. Il faut faire ça. Il faut accepter qu'un acteur, une actrice gagne sa vie comme ça. Je vais jouer chez Gilles Latulippe le soir. Je joue un VLB demain à Radio-Canada, Victor Lévy-Beaulieu. Je suis au TNM à faire En entendant Godot. Ça se peut. Et là, moi, je me bats pour ça depuis plus de 30 ans aussi. Côtoyer participer à la fois à la grande culture, mais aussi à la culture plus populaire. Il me disait de Gilles Latulippe qu'il avait tout appris. Gilles Latulippe lui donnait des conseils, puis il dit « Ça marche, M. Latulippe, il comprend le comique. » Alors, il buvait les paroles de chacun qu'il rencontrait. Qui a joué un Victor Lévy-Beaulieu ou qui a joué un Latulippe avec M. Latulippe, il prenait tout. Ouais. Et il s'en allait faire un Shakespeare le soir. Ça, moi, j'y crois. Et ce qui est beau, c'est que le public nous laisse faire ça. Oui. Donc, que les décideurs et les employeurs prennent pour acquis que le public est capable de nous suivre. Vous êtes gentil de faire un lien entre ma carrière et la sienne. Je trouve ça un peu gênant parce que sa carrière est grande. Mais oui, elle est inspirée un peu de ça. Ouais. Ouais. Parliez de deux fois. Vous avez parlé de Victor Lévy-Beaulieu, Jean-Louis Millette, dans un téléroman de Victor Lévy-Beaulieu. C'est pas un hasard parce que c'est... Il sera dans trois téléromans de Victor Lévy-Beaulieu. Puis c'est probablement le sommet de ce qu'il nous a laissé à la télé. Je suis pas venu te demander de décrocher la lune, mais de devenir le président du nouveau conseil d'administration qui va gérer la quincaillerie. Ça n'a rien à voir avec la fin du monde qu'on appréhende pour l'an 2000. Pas intéressé. Ni de devenir le président de ce conseil d'administration-là, ni quoi que ce soit qui touche de près ou de loin à la quincaillerie. C'est faire bon marché d'une paix que t'es maintenant le seul à pas vouloir signer. C'est non pareil. Si je consens à mettre un premier doigt dans l'engrenage, c'est moi au complet qui va y passer. Puis plutôt que d'en arriver là, j'aime encore mieux m'en retourner à Montréal. C'est vrai que Montréal, ça a des avantages. Même pour la duplicité, ça a des avantages. Qu'est-ce que tu me chantes, là? Ta réponse d'abord. Écoute, je t'ai dit que c'était non. Définitivement non. C'est regrettable. Infiniment regrettable. Jean-Louis Millette dans le rôle de Manu Morency dans ce téléroman de Victor Lévy-Beaulieu, Bouscotte, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait qui remonte à 1999. Un mot sur le Jean-Louis Millette de Victor Lévy-Beaulieu, sur le Jean-Louis Millette au petit écran, André Robitaille. Bien, on y croyait. Et c'est dur du Victor Lévy-Beaulieu, c'est dur à dire, c'est dur à incarner. C'est une musique, c'est une poésie qui est vraiment très, très particulière. Et lui, il était très technique. Moi, Jean-Louis m'a souvent montré ses cahiers de travail, griffonnés de partout, barbouillés, dessinés. Il faisait des lignes, il faisait des petits monsieur sourires, il faisait deux traits, ça voulait dire ceci, trois petits points, ça voulait dire cela, pour ce qui est de l'émotion, ouais, du rythme. Oui, ça fait technique, puis lui incarnait cette technique-là. Des fois, les actrices, acteurs sont trop techniques, ça a quelque chose de froid, et ou des fois, juste incarné, puis il y a quelque chose de tout croche, lui, il avait tout, à cause du travail. Alors, oui, les textes de VLB, il a réussi à les faire. Ce qui est fabuleux de ça, c'est que, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui sont à l'écoute et qui se souviennent de cette période des téléromans de VLB, de Jean-Louis Millette dans ces téléromans-là, c'est que, puis on revient un petit peu à ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est que c'est une télé qui, à l'époque, est diffusée à heure de grande écoute, donc grand public. En même temps, c'est du téléroman, parler de la langue de VLB, c'est très niché, c'est un univers... Mais c'est très exigeant pour le téléspectateur, en fait, oui. Et tant mieux. Et c'est l'époque où on répétait. Alors, ici, dans les locaux à Montréal, de la Tour, il y avait des salles de répétition. Et moi, je le suivais. Oui. Quand je suis sorti de l'école de théâtre, j'étais inquiet comme tous les jeunes qui sortent d'une école à ne pas avoir de travail. Et j'y avais juste demandé à la boutade, « Je peux-tu faire un stage en Jean-Louis Millette? » Il me dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Et il m'a photocopié son agenda, et puis je l'ai suivi. Ouais. Il dit, « D'accord, tu viendras. » Et là, moi, c'est la meilleure idée que j'ai eue dans ma vie. Plusieurs mois, j'ai suivi Jean-Louis. Et il m'invitait, et il me présentait. Je m'assoyais dans le petit coin du studio, il faisait un doublage. On prenait son auto, on s'en venait à Radio-Canada répéter Victor Lévy. Après ça, on s'en allait au TNM répéter. Moi, j'étais toujours le petit gars à l'autre le bout du local. Le stagiaire de Jean-Louis. Oui! Alors, j'ai fait un stage en Jean-Louis. Il y a eu cette générosité-là. « My name is Gaston Talbot. I was born in Chicoutimi. » De plus en plus, on m'offre des cadeaux empoisonnés. C'est une façon de parler. Les textes sont de plus en plus lourds. Des textes de plus en plus difficiles à apprendre. Alors, Larry me téléphone en disant, j'ai un texte pour vous. J'aimerais que vous le regardiez, que vous le lisiez et que vous le jouiez. Alors, on m'envoie le texte et... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, c'est en anglais. Un anglais approximatif avec une syntaxe française, quasiment. Et Larry Tremblay, à la coquetterie d'un poète à certains moments, il fait pas de ponctuation. Alors, il faut le lire, le décoder, prendre des notes, y mettre sa propre ponctuation. Chicoutimi as a town is ugly, as every American town. And this ugliness is very interesting. But fortunately, nature surrounds every town in this country. And nature cannot be ugly. Right? Jean-Louis Millette au micro de Daniel Pinard à la chaîne culturelle de Radio-Canada à l'époque, en 1999, quelques mois seulement avant sa mort. Cette pièce de Larry Tremblay, The Dragonfly of Chicoutimi, et le rôle qui tient Jean-Louis Millette à partir de 1995, c'est pour vous, André Robitaille. ça nous permet... C'est pas gentil, ce ben, que vous non, faites. Mais c'est... en même temps, c'est plein... je parlais de bienveillance tantôt, voyez-le comme ça. je trouvais l'histoire, en guillemets, belle et valable. C'est Parce que c'est ça l'amitié aussi, où enfin vous dites, c'était mon mentor, c'est prétentieux de dire l'amitié, mais c'est un rendez-vous manqué avec votre ami Jean-Louis. J'ai pas vu ce spectacle. Ouais. J'ai vu son cahier, par contre. Ouais. Il m'a montré son travail sur papier, mais j'ai pas vu ce spectacle. Je le regrette tellement. Il m'en avait beaucoup parlé. Le défi, ce que vous venez d'entendre là, dans l'extrait, oui, c'est un défi, c'est un cadeau empoisonné, c'était difficile. Mais non, je ne l'ai pas vu. Puis malheureusement, il est parti dans cette époque-là. Mais ça nous amène et ça nous ramène au théâtre. On n'en a pas tant parlé. Mais écoute, en attendant Godot, il était exceptionnel. Tout ce qui touchait au théâtre, il rentrait sur scène, sa présence. C'est dur, hein, d'expliquer la présence. Qu'est-ce que ça veut dire? On est là, pourquoi tu dis présence? On est tous présents. Mais lui, il éclaboussait. C'était de la lumière autour de lui. Je sais pas, je veux pas être trop ésotérique, mais il y avait quelque chose de très, très incarné. Il disait, là, au début de l'émission, tout à l'heure, on a entendu un extrait où il parlait de rayonner. Faut s'élargir. Ouais. Faut, sur scène, il avait raison. Moi, j'aime pas quand on dit on projette. Je trouve que c'est mieux de dire on rayonne. Ça donne une énergie plus large. Mm-hmm. C'est dur d'expliquer. C'est dur d'enseigner ça. C'est dur de verbaliser la technique théâtrale. Mais lui, il réussissait à nous le faire. À nous faire comprendre parce qu'il faisait tous les soirs. Il n'arrêtait pas de jouer. En plus, il travaillait. C'était un fou du travail. Ouais. Magnifique. Vous disiez au tout début de l'émission que vous y pensez assez souvent encore à Jean-Louis Millette, que vous vous ennuyez de lui. De quoi? Qu'est-ce qui vous manque? De quoi vous vous ennuyez? Mais de partager là-dessus avec lui. De sa bienveillance. Je trouve que c'est un beau mot depuis tout à l'heure qui inspire notre conversation. Mais oui, je pense que prendre soin... Je trouve que c'est un bel humain aussi à ajouter dans son entourage. C'est de valeur quand ils partent. Et il y a quelque chose que j'ai fait, je ne sais pas si vous allez me juger, mais quand il est décédé, je me suis dépêché à rappeler chez lui pour entendre sa voix sur son répondeur. Parce que sa sœur s'occupait de la suite, puis elle a eu à effacer tout ça. Puis avant qu'il s'efface, ben moi, j'écoutais en secret. Une tasse. Un petit peu. Ouais. Goûter un tout petit peu à sa patate au chocolat. Mais ouais, c'est un grand. Je suis content, heureux et choyé de l'avoir croisé. Merci en tout cas de nous avoir proposé de nous parler de lui avec autant d'émotion. André Robitaille, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci de l'invitation. André Robitaille, comédien, metteur en scène, animateur qui, je vous le rappelle, sera à l'animation de l'émission Pétillant et corsé tout l'été du lundi au vendredi à 13h. Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Fanny Leblanc et Yvette Kéméré, au site internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.